Yeah. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Des nouveaux dans le game, crier Mayday. J'suis pas en major, mais en sous-indé. Donc je dis hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Ouvrez-moi les portes, j'ai pas encore de planning. Dans la maison du rap, je suis au parking. Hello. Hello. Hello. Hello. Ok. En mode présentation, mon vrai nom Adrien. Je sais que je suis pas devant, donc dans mon dos ça dit rien. Pas d'auto-tune, pas besoin de studio, pas besoin de tu. Je t'appelle Boris Dio. Maintenant le premier tome, ouvre le premier chapitre. Laisse les préludes derrière, dis hello à l'artiste. Face pas d'Alexandrin et encore moins des rimes. C'est le premier mais j'ai pas encore commencé, c'est pas terrible. Alors, hello. Pas de thème, pas de thème précis. Pas de thème, je suis l'étoile posée sur le sapin. Toujours décalé en été, du ski alpin. En rêve de planète rap, mais pour l'instant c'est fuck. On m'a dit la patience est une vertu, sauf si tu sors le bloc. Mais je suis pas une Kaira, ouais je viens ici. Je trace ma route, j'écoute pas les news de la Sicile. Bref, je suis pas normal, avec mes rêves dans l'eau. Kids on mic dans le rap game, hello. Hello. Hello, hello. Des nouveaux dans le game, crier Mayday. J'suis pas en major, mais en sous-indé. Hello, hello, hello, hello. Ouvrez-moi les portes, j'ai pas encore de planning. Dans la maison du rap, moi je suis au parking. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.